crois que je viens de voir une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt. Il va falloir écrire, mon vieux. Tu peux plus te débiner. T'as signé pour 5 livres. 5 livres. Tu crois que je sais pas tout ça? Barnaski et Furax. Il veut plus patienter. Et tu sais ce qui va se passer si tu te plantes? Il te saignera à blanc. Harry, ça va mal. Je crois que je ne suis plus écrivain. Qu'est-ce que vous me chantez là, Marcus? Je sais plus quoi écrire. Je suis fini. Page blanche. Blocage mental, Marcus. Voilà ce que c'est. Marcus, personne n'a jamais été au courant de tout ça. Si quelqu'un à Aurora apprend que j'ai vécu une histoire d'amour avec Nola Kellergan, ça pourrait causer ma perte. C'est en début de matinée que des ossements ont été découverts dans le jardin du célèbre Harry Keller. Avec les restes de la gamine. Les enquêteurs ont retrouvé le manuscrit des origines du mal. La vérité sur l'affaire Harry Keller, de Joël Dicker. Adaptation Sophie Lemp. Réalisation Pascal Deux. Deuxième épisode. Harry, que tout désignait comme le coupable idéal, avait expliqué avoir écrit ce livre pour Nola. Elle lui avait emprunté le manuscrit pour le lire quelques jours avant sa disparition. Il risquait la peine capitale. Il s'écoula 3 jours pendant lesquels les analyses ADN et les empreintes dentaires confirmèrent que le squelette était bien celui de l'adolescente. Une fracture de l'arrière de son crâne permettait d'affirmer avec certitude, même plus de 30 ans après les faits, que la victime était morte d'au moins un coup qu'elle avait reçu. Nola Kellergan avait été battue à mort. À la fin du week-end, n'y tenant plus, Marcus Goldman considéra qu'il n'avait pas d'autre choix que de se rendre dans le New Hampshire. Monsieur Goldman, vos impressions sur dès son arrivée à Goskov, des objectifs de caméra se braquèrent sur lui et une nuée de journalistes l'assaillit de questions. Laissez-moi. Monsieur Harry Keller avait-il vous l'avez bien laissé passer, s'il vous plaît. Je n'ai rien à dire, d'accord. Je n'ai aucune déclaration. Un peu plus tard, Benjamin Ross, qu'il avait vu à la télévision, vint lui remettre une lettre de Harry. Mon cher Marcus, si vous lisez ces lignes, c'est que vous êtes venu dans le New Hampshire prendre des nouvelles de votre vieille amie. Si vous lisez ces lignes, c'est que vous êtes venu dans le New Hampshire prendre des nouvelles de votre vieille amie. Néanmoins, je pense que vous êtes un type courageux. Je n'en ai jamais douté. Je jure ici que je suis innocent des crimes dont on m'accuse. Néanmoins, je pense que je vais passer quelque temps en prison et que vous avez mieux à faire que de vous occuper de moi. Occupez-vous de votre carrière, occupez-vous de votre roman. Votre carrière est le plus important à mes yeux. Ne perdez pas de temps avec moi. Bien à vous, Harry. P.S. Si d'aventure vous souhaitiez malgré tout rester un peu dans le New Hampshire, vous savez que vous êtes chez vous à Goose Cove. Vous pouvez y rester tant que vous voulez. Je ne vous demande qu'une faveur. Nourrissez les mouettes. Mettez du pain sur la terrasse. Nourrissez les mouettes, c'est important. Le lendemain de son arrivée, Marcus se rendit au Clark's, le diner de la ville. La plaque à la gloire de Harry avait été retirée. Quand elle le vit entrer, Jenny Dawn, la patronne, s'approcha et lui servit du café. T'es venu t'installer chez Harry ? Je crois bien. Pourquoi t'enlever la plaque, Jenny? Il a écrit ce livre pour cette môme, Marcus. Pour une môme de 15 ans. Je peux pas laisser cette plaque, c'est de la mort dégueulasse. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Et moi, je pense que tu devrais pas te mêler de cette affaire. Tu devrais rentrer à New York et rester loin de tout ça. Qu'est-ce que je te sers? Saucisses et pancakes. Ok. Marcus commençait à parcourir le journal qui traînait sur la table. En première page, une photo de Harry et ce titre « Café Harry Keller ». Peu après, Travis Dawn, le mari de Jenny et par ailleurs chef de la police d'Aurora, s'installa à sa table. Désolé, fiston. Cette histoire qui t'explose en pleine figure. Je sais que tu es très proche de Harry. Ça doit pas être facile pour toi. Travis, qu'est-ce qui s'est passé ce 30 août 1975? Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Sale affaire, Marcus. J'ai vécu au premier plan, parce que j'étais de service ce jour-là. À l'époque, j'étais qu'un simple agent. Deborah Cooper était une gentille petite vieille qui habitait seule depuis la mort de son mari, dans une maison isolée à l'orée de la forêt de Side Creek. Ce 30 août 75, elle a appelé la centrale pour dire qu'elle avait aperçu une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt. Alors, comme j'étais le seul agent en patrouille à Aurora, je me suis immédiatement rendu chez elle. Quand je suis arrivé, elle attendait devant sa maison. Je suis allé inspecter l'oreille de la forêt et j'ai trouvé un morceau de tissu rouge déchiré. Alors, j'ai immédiatement jugé qu'il fallait prendre l'affaire au sérieux et j'ai prévenu Pratt, le chef de la police d'Aurora. Il était en congé, mais il est venu aussitôt. Et en nous enfonçant dans les bois, on a trouvé des traces de sang, des cheveux blonds et d'autres lambeaux de tissu rouge. Et puis un coup de feu a retenti dans la maison de la mère Cooper. On s'est précipité. La vieille était par terre dans sa cuisine. Elle baignait dans son sang. On a appris ensuite qu'elle venait de rappeler la centrale pour prévenir que la gamine qu'elle avait vue plus tôt s'était réfugiée chez elle. La fille était revenue ? Oui, pendant qu'on était dans la forêt. Elle était en sang et cherchait de l'aide. Mais à notre arrivée, elle n'était plus dans la maison. Et cette fille, c'était Nola ? Oui, on l'a rapidement compris. Deborah Cooper l'avait identifiée quand elle avait rappelé la centrale. Et puis un peu plus tard, son père a signalé sa disparition. Que s'est-il passé après ? Suite au deuxième appel de la mère Cooper, des unités de la région étaient déjà en route. En arrivant à la lisière de la forêt de Side Creek, un adjoint du shérif a remarqué une Chevrolet Monte Carlo noire qui prenait la fuite en direction du nord. Il y a eu une poursuite, mais la voiture nous a échappé malgré les barrages. On a passé les semaines suivantes à rechercher Nola. On a retourné toute la région, rien. Vous aviez un suspect à l'époque ? Ça n'a jamais été officiel, mais il y avait Harry. 3 mois après son arrivée à Aurora, la petite Kellergan disparaissait. Étrange coïncidence, non ? Et surtout, quelle voiture conduisait-il à l'époque ? Une Chevrolet Monte Carlo noire. Mais bon, c'était pas suffisant. Au fond, ce manuscrit qu'on a retrouvé avec le corps de la gamine, c'est la preuve qu'on recherchait il y a 33 ans. J'y crois pas. Pas Harry. Pourquoi aurait-il laissé une preuve aussi compromettante avec le corps ? Pourquoi aurait-il envoyé des jardiniers creuser là où il avait enterré un cadavre ? Ça tient pas la route. Croisant mon expérience de flic, fiston, on sait jamais de quoi les gens sont capables. Surtout ceux qu'on croit bien connaître. J'ai peur, Marcus. On va vous tirer de là, Harry. Merci d'être venu. C'est ce que font les amis. Je me suis installé à Goose Cove et j'ai nourri les mouettes. Et votre nouveau roman ? Votre éditeur l'attend pour la fin du mois, non ? Il n'y a plus de roman qui compte. J'ai besoin de comprendre. Je peux pas m'empêcher de penser à ce coup de téléphone que vous m'avez passé l'autre jour. Vous vous demandiez ce que vous aviez fait à Nola. C'était l'émotion, Marcus. Elle était morte et je me sentais responsable pour toutes sortes de raisons. Mais je ne lui ai jamais fait de mal. Je vous jure que je suis innocent de ce dont on m'accuse. Je vous crois, Harry. Je vous crois. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement entre Nola et vous ? Une histoire d'amour, Marcus. Je suis tombé fou amoureux d'elle. Et je crois que ça m'a perdu. Et la boîte ? Où est votre fameuse boîte avec les lettres et les photos ? Je l'ai pas retrouvée chez vous. Allez-y, maître. Merci. Bonjour, Harry. Ça va ? Vous êtes Marcus, j'imagine ? Oui, tout à fait. Benjamin. Enchanté. J'ai parlé au téléphone. Ouais. Harry, on a pas mal de choses à voir ensemble. J'ai relu toutes les pièces et il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir bien préciser. Pendant que Benjamin Rose s'installait, Harry saisit discrètement le carnet que Marcus avait déposé devant lui et y inscrivit quelques mots. Est-ce qu'il y a un détail dont vous auriez oublié de me parler à propos de Nola ? Je dois tout savoir. C'est très important. Il y a effectivement quelque chose que vous devez savoir. La police m'a demandé ce que je faisais le soir du 30 août 1975 et j'ai dit que j'étais en déplacement hors de la ville. Et ? J'ai menti. Cette nuit-là, je me trouvais dans la chambre d'un motel situé sur le bord de la route 1 en direction du Maine, le Seaside Motel. J'étais dans la chambre 8, assis sur le lit, parfumé comme un adolescent. Nola devait me rejoindre. Nous avions rendez-vous à 19h. À 21h, j'attendais toujours. Elle n'avait jamais été en retard. Je lisais et relisais le billet qu'elle m'avait écrit quelques jours plus tôt. Ne vous en faites pas, Harry. Ne vous en faites pas pour moi. Je me débrouillerai pour vous retrouver là-bas. Attendez-moi, chambre 8, c'est mon chiffre préféré. Attendez-moi dans cette chambre à 19h. Je vous aime tant. Ensuite, nous partirons pour toujours. Très tendrement. Je vous aime tant, très tendrement, Nola. Nola. J'ai fini par m'endormir tout habillé. Lorsque j'ai ouvert les yeux, la radio marchait toujours. C'était le bulletin de 7h du matin. Une alerte générale était lancée après la disparition d'une adolescente de 15 ans, Nola Kellerghan. Je me suis levé, paniqué, et suis parti aussitôt pour Aurora. Voilà. Voilà ce que je faisais la nuit du 30 août 1975. Vous deviez fuir ensemble ? C'est pour ça que vous m'avez dit l'autre jour que c'était de votre faute ? Oui. Sans ce rendez-vous, elle serait peut-être encore en vie. Benjamin Ross et Marcus Goldman, sous le choc, se séparèrent sur le parking de la prison. Dans sa voiture, Marcus ouvrit son carnet et y découvrit ce qu'Harry avait écrit. Marcus, sur mon bureau, il y a un pot en porcelaine. Tout au fond, vous trouverez une clé. C'est la clé de mon vestiaire au fitness de Montbury. Casier 201. Tout est là. Brûlez tout. Je suis en danger. Je me rendis immédiatement au fitness de Montbury pour récupérer la boîte. Et dès mon arrivée à Goose Cove, j'y jetai tout son contenu au feu. Rapidement, la lettre de Nola ne fut plus que poussière. Les photos se trouvèrent en leur centre pour disparaître complètement. Le manuscrit s'embrasa en une immense flamme orange. Assis devant la cheminée, je regardais disparaître l'histoire de Harry et Nola. Le mardi 3 juin 1975, Harry s'était assis sur le sable, son carnet sur les genoux. Lorsqu'il commença à pleuvoir, il se leva pour aller se mettre à l'abri. C'est alors qu'il la vit. Elle marchait pieds nus au bord de l'océan, dansant sous la pluie et jouant avec les vagues. Désolé, vous n'avez pas vu ? Non, non, surtout vous excusez pas. Continuez, je vous en prie, c'était très joli. C'est la première fois que je vois quelqu'un apprécier à ce point la pluie. Vous l'aimez aussi ? Quoi ? La pluie ? Non. Non, je la déteste en fait. Comment peut-on détester la pluie ? Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau, regardez. Je peux en avoir une, moi aussi ? Oui. Vous êtes l'écrivain, c'est ça? Oui. J'ai une question pour vous. Pourquoi avez-vous quitté New York pour ce trou perdu? J'avais envie de changer d'air. Dites-moi, on se connaît? Non, mais tout le monde sait qui vous êtes. Bienvenue à Aurora, monsieur. Je m'appelle Nola. Nola Kellergan. Harry Kéber. Je sais. Tout le monde le sait, je vous l'ai dit. Il faut que j'y aille. Vous ne direz pas que je fume, hein? Non, c'est promis. Marcus rêvassait quand un appel de son agent le ramena à la réalité. Douglas lui proposait d'écrire un livre sur l'affaire Harry Kéber. C'est une occasion en or, Marcus. J'hésite, ça va si vite. Et puis qui te dit que les éditions Schmidt et Hanson seraient intéressées? J'en ai déjà parlé à ton éditeur. À Barnaski? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est comme un dingue. Et tu sais quoi? Non. Il est prêt à renégocier ton contrat. Alors, qu'est-ce qu'on dit à son agent préféré? Après avoir accroché, Marcus descendit sur la plage. À son retour, il trouva un message glissé sous sa porte qui disait « Rentre chez toi, Goldman ». Il décida alors, pour Harry, pour Nola, de rester à Aurora et de mener sa propre enquête. Il commença par se rendre au Seaside Motel dans l'espoir d'y retrouver les registres de l'année 1975, mais il n'avait pas été conservé. Il demanda à voir la chambre 8, puis il passa le reste de l'après-midi à la bibliothèque municipale pour consulter les archives. En revenant vers sa voiture, il vit qu'un morceau de papier avait été coincé derrière l'un des essuie-glaces, avec de nouveau ce message « Rentre chez toi, Goldman ». Le lendemain, en arrivant à Concorde pour aller voir Harry, je décidai de faire un détour par le quartier général de la police d'État. Le sergent Gallowood, un afro-américain plutôt bourru que j'avais croisé brièvement à Goose Cove, y avait son bureau. Plus tard. Ah, sergent, vous tombez bien. Vous avez rappelé les immatriculations? Oui, justement. Bon, très bien. Mais on verra ça tout à l'heure. Sergent Gallowood. Quoi, c'est vous? Oh, on m'appelle, on me dit, Perry, grouille-toi, il y a un type qui t'attend depuis une heure. Moi, j'interromps mon repas et je tombe sur l'écrivain. M'en voulez pas, je me disais peut-être que vous pourriez... Je vous déteste, l'écrivain. Tenez-le vous pour dit. Ma femme a lu votre bouquin, elle vous trouve beau et intelligent... Votre tête a trôné sur la table de nuit pendant des semaines. Vous avez habité dans notre chambre à coucher. Vous avez dormi avec nous. Vous avez pris des bains avec ma femme. Vous êtes marié, sergent. C'est fou, vous êtes si désagréable que j'aurais juré que vous n'aviez pas de famille. Au nom du ciel, qu'est-ce que vous voulez? Comprendre. Très ambitieux pour un type de votre espèce. Laissez faire la police, voulez-vous? Qu'est-ce que vous savez de mon espèce? Je suis pas là pour écrire un best-seller. Je sais seulement qu'Harry a pas pu faire ça. J'ai besoin d'informations, sergent. Dites-moi juste si Nola est bien morte à l'âge de 15 ans. L'analyse des os l'a confirmé. Donc elle a été enlevée et tuée au même moment? Oui. Si je peux me permettre encore une question, qu'est-ce que vous pouvez me dire de l'autopsie? D'ailleurs, est-ce qu'on dit autopsie ou examen médico-légal pour un squelette? Je me contrefous du terme précis. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on lui a brisé le crâne. Brisé! Bam! Bam! C'était avec une batte? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Vous m'emmerdez à la fin, l'écrivain. Cette conversation est terminée. Mais vous, sergent, c'est quoi votre sentiment sur cette affaire? J'ai deux filles, l'écrivain. 14 et 17 ans. Je ne peux pas imaginer vivre ce que le père Kellergan a vécu. Je veux la vérité. Je veux la justice. Si je découvre la preuve de l'innocence de Kéber, croyez-moi, il sera libéré. Mais s'il est coupable, soyez certain que je ne laisserai pas Ross faire au jury un détour d'esbrouf dont il a le secret pour libérer les criminels. Au fond, vous êtes un chic type, sergent. Je vous paie des beignets et on continue de papoter. Au revoir, l'écrivain. Je vous ai assez vu pour le reste de la semaine. Peut-être même le reste de ma vie. Au revoir, sergent. Merci quand même. Attendez. Oui? Si vous voulez mon avis, demandez-vous qui étaient Nola Kellerghan. Les bons flics s'intéressent pas au tueur. Trouvez qui était Nola, vous trouverez son meurtrier. Et celui de la mère Cooper par la même occasion. Je m'en souviendrai. En arrivant à la prison d'État, je n'avais que cette question en tête. Qui était Nola Kellerghan ? Après avoir rassuré Harry quant au contenu de sa boîte secrète, je posais devant lui un petit appareil enregistreur et lui demandais de tout me raconter depuis le début. Il évoqua alors son arrivée à Aurora le 20 mai 1975. Puis, il parla de Nola. Il me raconta qu'il s'était revu plusieurs fois au Clark's, où la jeune fille faisait des extras le samedi. Harry était déjà fou d'elle, mais savait cet amour impossible. Un soir où il noyait son désespoir dans l'alcool, elle vint à sa rencontre sur la plage. Qu'est-ce que tu fais là, Nola? Tu devrais pas rester ici. Pourquoi? Parce que j'ai bu. Tu peux m'asseoir? Pourquoi avez-vous bu, monsieur l'écrivain? Vous avez l'air si triste. Je me sens seul. Horriblement seul. Mais il y a tellement de gens autour de vous. La solitude me tue, Nola. Je vais vous tenir compagnie, alors. Tu ne devrais pas. J'en ai envie. Sauf si je dérange. Eh non. Tu ne déranges pas. Harry, je peux vous appeler Harry? Bien sûr. Pourquoi les écrivains sont des gens si solitaires? Pourquoi ils se suicident tous? Tous les écrivains ne se suicident pas. Seulement ceux dont on lit pas les livres. J'ai lu votre livre. Je l'ai emprunté à la bibliothèque et je l'ai lu en une nuit. Vous êtes un très grand écrivain, Harry. Vous ne devez pas vous sentir seul. Je suis là. Lorsque je revins à Goose Cove, il était environ 23 heures. En m'engageant sur le petit chemin de gravier qui menait à la maison, je vis une silhouette masquée prendre la fuite dans la forêt. Je bondis hors de la voiture en hurlant, m'apprêtant à me lancer à la poursuite de l'intrus. C'est alors que mon regard fut attiré par une intense lueur. Quelque chose brûlait près de la maison. Je courus pour aller voir ce qui se passait. La corvette de Harry était en feu. Les flammes étaient déjà hautes. Les vitres explosèrent sous l'effet de la chaleur. Le capot se mit à fondre et le feu redoubla d'intensité, léchant les murs du garage. Je ne pouvais rien faire. C'était « La vérité sur l'affaire Harry Kéber » de Joël Dicker, avec Florent Shepp, Frédéric Pierrot, Éric Herson-Macarel, Mélissa Barbeau, Olivier Clavery, Carole Franck, Marc Barbet, Joanna Nizard. Bruitage, Patrick Martinache, avec la participation de Bertrand Amiel. Musique originale, Damien Salançon. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Nicolas Depagraf. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Pascal Deux. La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, adaptée par Sophie Lemp, a été publiée aux éditions de Fallois.